Attention, message personnel. Panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ah ah, nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 22. Bienvenue à toi dans ce monde archi-loufoque et total foutraque, où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et, a priori, nous serions ce matin le dimanche 5 février 2006, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es masque vénitien, tu es en string sur un char brésilien, tu es mardi gras, tu es bal costumé, tu es derrière ton loup et tu es aussi... Vous m'y reprendrez, vous, à me faire mettre en jupe. Je vous assure, monsieur le commissaire, en Écosse, la tenue de soirée, c'est le kilt. Non, monsieur, c'est la smoking. C'est écrit noir sur blanc dans le guide international du savoir-vivre. Noir sur blanc. Ah ben, justement, le smoking, c'est noir sur blanc. Ah, puis je me l'appelle tendré. Oui, tu l'auras compris, l'ami. Ce matin, tu es déguisé, tu es carnaval. C'est ainsi, c'est la tradition, le mois de février, c'est le mois du carnaval. De Venise à Rio, de Nice à Dunkerque, dans les jours qui viennent, nous allons voir défiler la grande procession des masques et des costumes. Tiens, voilà un marquis défroqué, tiens, voilà un Mahomet en hippie, tiens, voilà un Sarkozy en rappeur, le tout sur un air de samba ou de fanfare. Alors pour celles et ceux qui hésitent encore à se déguiser, la panique au Mangin Palace organise pour toi ce matin un voyage au cœur du carnaval. Donc, dans l'heure qui vient, nous allons tenter de te raconter une histoire illustrée, mais toujours décalée, celle du carnaval. Pour commencer, il faut se souvenir de ce que représente cette fête à travers l'histoire. Ensuite, il faudra tenter d'expliquer à quoi peut nous servir un déguisement. On enchaînera sur une interview d'Ariane Ascaride qui viendra nous raconter son expérience du carnaval de Venise. Et puis, mercredi dernier, président Chirac a reçu à l'Élysée l'ensemble des élus nationaux de l'UMP pour un déjeuner. En réalité, il fallait venir déguisé. Ainsi, en exclusivité, nous te dévoilerons quels étaient les plus beaux costumes. Et enfin, te raconter les mésaventures costumées de Monique et Jean-Claude le week-end dernier lors d'une soirée déguisée un peu spéciale organisée chez des amis. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son, trémousse-toi et derrière ton loup, fais ce qu'il te plaît. Yeah. just once in your shoes. I said I was down and out with the blues. I felt no man cared if I were alive. I felt the whole world was so tired. That's when someone came up to me and said, young man, take a walk up the street. It's a place there called the YMCA. YMCA. En 1978, le groupe Village People, c'est 5 types déguisés en policiers, en motards, en ouvriers, en militaires et bien sûr en chef indien. Ah, quand le disco se mêle au carnaval, ça donne une chanson gay et entraînante. Et pour commencer cette émission sur le carnaval, alors que de Nice à Rio et de Venise à Dunkerque, les préparatifs de la fête battent leur plein, il est nécessaire de chercher à savoir d'où nous vient cette tradition populaire. L'Antiquité a bien entendu connu des fêtes où le déguisement était de mise. C'est par exemple le cas des Lupercales qui, dans la Rome antique, avaient lieu le 15 février. Mais ce n'est qu'avec la religion chrétienne que le carnaval prend tout son sens. En effet, l'étymologie latine de carnaval, c'est carnis levare, qu'on peut traduire par enlever la viande. Et oui, le carnaval, ce sont les derniers jours où l'on peut encore manger de la viande avant le jeûne du carême. Pendant les 40 jours qui précèdent la fête de Pâques, pendant le carême donc, le chrétien se doit de manger maigre. Fini les entrecôtes frites et les crèmes brûlées, c'est le temps des brocolis poissons vapeur. Alors avant la période de jeûne, on fait la fête et le temps fort du carnaval, c'est bien sûr le mardi gras, le jour où l'on se déguise et que l'on prépare longtemps à l'avance. Pour le bal du Mardi Gras, moi je commence à me préparer. Il y a des beaux prix à gagner pour ceux qui vont être costumés. Dans le temps du carnaval, c'est le beau temps de s'amuser, danser, rire et chanter, le carême va commencer. Avec la queue de mon petit veau, je me suis garni un chapeau. Avec le restant de ses pattes, je me suis fait une belle cravate. Dans le temps du carnaval, c'est le beau temps de s'amuser, danser, rire et chanter, le carême va commencer. Traditionnellement, le temps du carnaval, c'est le temps du défoulement, de la transgression, une rupture dans le rythme des saisons et de l'ordre social. Le domestique peut singer le maître, le riche se déguiser en mendiant, l'homme en femme et l'enfant en vieillard. Et oui, une fois déguisé, on peut faire un peu ce qu'on veut. Moi, j'aime bien Arlequin, car Arlequin, comme tous les déguisements du carnaval, c'est une alternative utile à la réalité sociale. Le carnaval permet aux dominés de se défouler. Le carnaval est d'autant plus toléré par les dominants qu'il est suivi d'une période de sévère reprise en main, à savoir le carême. Bon, bien sûr, parfois ça dérape, comme en 1580, lors du carnaval de Romans, étudié par le roi Ladurie, les affrontements entre les puissants et le peuple font alors 1800 morts. Et oui, lors d'un carnaval, la fête peut être parfois teintée d'un très mauvais goût, comme l'an passé à la même époque. Il y a eu, en Grande-Bretagne, l'affaire Harry. Le petit-fils de la reine Elisabeth a fait scandale, non pas à cause d'une frasque d'étudiant, mais beaucoup plus grave, parce qu'il s'est rendu à une soirée déguisée en nazi. Le prince Charles aurait littéralement passé un savon à ses deux fils, car William l'aîné est également dans le collimateur pour n'avoir pas su prévenir son frère d'endosser ce costume nazi alors qu'ils se rendaient ensemble à cette fête costumée. Ici, la polémique n'est d'ailleurs pas retombée. La quasi-totalité de la presse demande au jeune homme de s'excuser publiquement. Et mieux que ça, souligne le Daily Mail. Le Daily Express demande lui qu'on envoie Harry à l'armée pour lui remettre les idées en place. Cette croix gammée n'a pas fini de coller à la peau du jeune prince. En direct de Londres, Jean-Marc Four, France Inter. Alors voilà, la panique au Mangin Palace te le rappelle, pour bien choisir son déguisement, il faut prendre le temps de la réflexion. Ainsi, aujourd'hui même, sur l'ensemble de la planète, le carnaval, moment d'exultation populaire, est attendu avec impatience. Demain, au défilé, Vienne, c'est carnaval. Demain, c'est carnaval pour la joie des enfants et des grands un peu partout dans le monde. Mais si le carnaval est partout une fête profane qui précède le jeûne du carême, les traditions locales lui donnent une large variété de formes. Le carnaval, ça peut être par exemple une fête populaire comme à Binche, en Belgique. Ils sont plus de 12 000 à attendre cette journée. Cette folle journée qui transforme Binche, la petite ville ennuyère, en cité impériale de carnaval. Et Binche danse. Toute une ville, avec les siens et ses hôtes d'un jour, danse au rythme des sabots et des grelots. Sur la grande place, en une ronde de bossus bariolés, les giles, plumes au vent, tournent et virevoltent. Leurs appertintailles sonnent et trébuchent. Leurs sabots battent la cadence. Les petites caisses font ra, ra et ra, et les joues rouges des trompettes éclatent dans les couacs. Le carnaval de Binche a été inscrit en 2003 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en tant que chef-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité. Binche, comme Dunkerque, sont des carnavals populaires du nord de l'Europe. Mais la Méditerranée a également ses carnavals. Au Nice, au Toit la Jolie, quand reviennent ton gai carnaval. Carnaval, tu verses en nous la folie, c'est l'amour qui conduit ton bal. Les masques vont en farandole en dansant sur ton rythme embrasé. Tous les cœurs font la cabriole dès que ton parfum les a grisés. Et dans cette ronde folle, il pleut partout des baisers. À Nice la Belle, sur la promenade des Anglais, le carnaval se transforme en bataille de fleurs, alors qu'à Dunkerque, c'est plutôt lancé de harengs sur la place de la mairie. Le carnaval prend donc toutes les formes possibles. Cette fête populaire de transgression a été reprise par l'élite sous une forme beaucoup plus policée. Le carnaval mondain de Venise en est l'exemple le plus célèbre, mais également un des plus coûteux. Alors, comme on dit à Dunkerque... De Venise à la Nouvelle-Orléans, de Limoux à Québec, les traditions du carnaval sont nombreuses. L'un des carnavals les plus célèbres se prépare actuellement au Brésil, le carnaval de Rio. C'est l'occasion pour les cariocas d'oublier le quotidien et de faire la fête pendant plusieurs jours de folie. C'est la samba brésilienne, née d'une chanson païenne, qui sans le moindre faux pas, dans les bras d'un beau gars vous invite aux ébats de là-bas. Dansez, dansez, dansez tous la samba. Dansez, dansez, mais n'exagérez pas. Danser, mais n'exagérez pas, c'est sans doute le conseil que ne vont pas suivre les milliers de cariocas qui ont attendu toute l'année ce déferlement d'extravagance. Le carnaval de Rio est, plus qu'ailleurs, un exutoire qui permet à un peuple entier de donner l'image du bonheur et de la fête. Le carnaval de Rio, c'est surtout la fête des écoles de samba. Que eu quero passar, pois o samba está animado. O que eu quero é samba, este samba que é misto de maracatu. É samba de preto veio, samba de preto du. Mas que nada, um samba como este tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. minha frente que eu quero passar. Pois o samba está animado. O que eu quero é samba. Este samba que é misto de maracatu. É samba de preto veio, samba de preto du. Mas que nada, samba como este é tão legal. Você não vai querer que eu chegue no Mais que nada, chanson samba des 60s, reprise en 1987 par Sergio Mendes. Mais que nada, moins que rien, parce qu'après une nuit d'ivresse au carnaval, il arrive bien souvent que dans ton joli costume, tu ressembles surtout à moins que rien. Alors, pour continuer notre exploration dans l'univers des costumes, il est temps maintenant, après avoir survolé l'histoire du carnaval, de nous intéresser aux véritables fonctions du déguisement. Dans quelles occasions exactement est-il nécessaire de se déguiser ? Outre l'aspect festif, bien sûr, le déguisement incarne également une rupture avec le quotidien. Celui ou celle qui porte un masque possède un nouveau rôle social. Le masque permet à l'individu qui le porte d'être anonyme dans la foule. Ainsi, se déguiser permet de se fondre dans le groupe pour légitimer certaines actions. Au XVe siècle, par exemple, Louis XI, roi de France, qui aimait se déguiser, ce taquin, prit un malin plaisir à endosser divers costumes de marchands pour se balader comme ça sur les carrefours à la rencontre de la populace. L'ami Louis XI, alors méconnaissable, ne manquait jamais bien sûr de demander aux paysans ce qu'ils pensaient de leur bon roi. Et là, malheur à celui dont la langue était trop pendue. Eh bien, de la même manière, va-t-on dire, mais dans un esprit beaucoup plus généreux et surtout beaucoup plus proche de nous, durant l'été 1995, le premier des Français avait lui aussi décidé de se déguiser en Français moyen, sans doute dans un souci de montrer l'exemple et surtout de se rapprocher de la France d'en bas. À la une de France Soir aujourd'hui, une photo de Jacques Chirac en vacances au fort de Brégançon. Le président, en compagnie de son épouse et de quelques amis, se rend à la plage en tenue décontractée. Soquette de soie noire, bermuda rayée et mocassin ciré assorti. Vacances, j'oublie tout, fredonnait un été le groupe Élégance, un nom prédestiné pour Jacques Chirac, qui a justement une certaine idée de la chose et qui commence, lui, par oublier ce détail qui fait du vacancier un être à part, à savoir le pied nu dans l'espadrille, cher à Georges Pompidou, et pour les plus hardis, le pied nu dans la tongue en plastique. Reconnaissons pourtant à Jacques Chirac d'avoir pris l'initiative de tomber la veste quand son prédécesseur François Mitterrand s'obstinait à boutonner jusqu'au cou son costume à col rond de paysan landais. Et puis, foin des candidatons, le président Chirac n'a pas hésité à ôter le bas quand les photos de Valéry Giscard d'Estaing à Brégançon soulignent le pli parfait de son pantalon karting à pattes d'éléphant et la robe longue de sa femme anémone. Non vraiment, le chef de l'État version 95 n'a plus ses pudeurs. Son truc à lui, ce sont simplement ses chaussettes. En tout cas, pour continuer à les porter, noirs de surcroît, par 35 degrés au soleil, Jacques Chirac doit être tout particulièrement fragile des orteils. Mitterrand en paysan landais, Giscard en pâte d'eff et Chirac en short, bref, président de la République en été, en gros, c'est carnaval tous les jours. Cela dit, se déguiser pour passer inaperçu au milieu des autres, c'est un choix. En revanche, il existe des situations où le déguisement est obligatoire. Si tu es comédien, par exemple, et que tu joues le roi Lear dans une mise en scène classique dans la cour du Palais des Papes à Avignon, tu ne peux pas arriver sur scène sans un costume d'époque. De la même manière, si tu es prêtre, on imagine mal que tu puisses célébrer la messe en jogging. Quand tu rejoues la scène de Jésus, il faut que tu sois déguisé avec une soutane pour bénir le pain, le vin et le fromage, bien sûr. Moi, je connais un fromage moelleux, savoureux, c'est le chaussé aux moines. Amen. Chaussé aux moines. Ah oui, c'est toujours facile de se moquer des chrétiens et c'est tant mieux. Mais en revanche, si tu te moques des déguisements de l'islam, et il y en a... Désormais, on te plante une fatwa dans le dos direct. Mais bon, revenons plutôt aux raisons qui nous poussent parfois chacun et chacune à nous déguiser. Bien évidemment, dans la plupart des cas, quand il s'agit pour nous tous de dégoter un déguisement, c'est surtout à l'occasion de soirées costumées ou de bals masqués. En réalité, un déguisement, c'est souvent synonyme de fiesta. Et il fut un temps, au début des années 80, à Paris notamment, où les fêtes déguisées régnaient sur la nuit. On y croisait beaucoup de monde. Tiens, même Yves Mourouzi. J'ai connu le palace en 1919, disait il y a un instant, après Maurice Béjart, Georges Tabet. Mardi dernier, l'anniversaire des 2 ans de cet établissement avait pour thème l'eau en hommage à Esther Williams, la sirène d'Hollywood. Déguisement, smoking obligatoire, sous peine d'être foulé. Et ce soir-là, j'y étais. Vous pouvez un petit peu vous décrire, là ? Je suis l'hymne à la moule. C'est à quoi ça sert la moule ? La moule, ça sert à ça, et ainsi de suite. Voilà. Vous venez souvent ici ? Ah, toujours, je suis un fidèle, du premier jour au dernier jour. C'est la première fois que vous vous déguisez ? Non, j'étais en lingot d'or la dernière fois. C'est-à-dire ? En lingot d'or, j'avais une tête en lingot d'or, c'était pour les grands mythes du monde. Qu'est-ce que vous recherchez en venant ici au palace ? Que les gens ne me reconnaissent pas. Avec l'anonymat en m'amusant dans des fêtes géniales. Oui, au palace ou ailleurs, un déguisement, ça sert surtout à s'amuser sans être reconnu. Dans une foule de carnaval, par exemple, derrière ton masque, tu fais ce qu'il te plaît. Tu danses, tu t'amuses, personne ne te reconnaît, tu excites tout le monde et tu te choisis un surnom. Maria, par exemple, et t'as qu'à dire que tu viens de Bahia. Aïe, aïe, aïe, Maria, Maria de Bahia, qui menait le bal au carnaval, c'était Maria. Et tous les garçons de là-bas, quand elle dansait la samba, frémissaient du haut en bas. Les tambourins l'électrisaient, tam tam disait, t'as bien raison de tam t'amuser. Aïe aïe aïe Maria, Maria de Bahia, les hommes se battaient pour inviter la belle Maria. Quand on l'avait trop embrassée, elle allait se confesser, et puis elle recommençait. Alors, pour enrichir notre regard sur les costumes, les masques et les déguisements, nous avons joint cette semaine au téléphone une femme que nous aimons beaucoup, qui a décroché un César en 1998 pour Marius et Jeannette, à savoir l'actrice Ariane Ascaride. Pour commencer, nous lui avons demandé si elle aimait se déguiser quand elle était môme. Réponse, juste après le jingle. C'est déguisée tout le temps et je continue. Et vous vous déguisiez en quoi quand vous étiez petite ? Alors je me suis déguisée en danseuse de French Cancan parce que j'adorais ça. Mais bien souvent je me déguisais en garçon avec des casquettes, des pantalons trop larges, des vestes trop larges et des grosses chaussures. J'ai toujours aimé me déguiser en garçon. Et puis plus grande, alors là le hasard a fait que je suis allée au carnaval de Venise pour jouer. Alors ça c'était génial par contre. Ah bon, et c'était quoi exactement ? En fait, j'avais repris il y a longtemps, Jacques Seller, Jacques Boudet et Daniel Lebrun jouaient les exercices de style de Queneau. Et en fait, en tournée, Daniel Lebrun, elle ne pouvait pas partir, donc elle m'avait demandé de la remplacer. Et on est allé jouer dans un petit théâtre qui n'existe plus à Venise, qui s'appelait Ridotto. Ce qui était génial, c'est que nous, on était habillés en petite salopette Lafon, blanche. Bon, donc comme ça. Et en face, tout le parterre des spectateurs, eh ben, en fait, eux, ils étaient en costume parce qu'on était pendant le temps du carnaval. Avec des masques, ils avaient aussi. Avec des masques et puis avec des costumes absolument somptueux parce qu'au carnaval de Venise, les costumes sont complètement étonnants. Les gens passent soit un an à les faire, soit louent à des prix défiant toute concurrence. Des costumes insensés. Et alors, comme le spectacle avait très bien marché, j'avais eu le droit, après, dans ce très beau café à Venise qui s'appelle le Florian, pendant le temps du carnaval, les plus beaux masques, comme ils disent, se mettent en vitrine. Et donc, ils m'ont invité un après-midi et moi, j'étais habillée, je dirais, en civil, mais peut-être que ça faisait aussi costumé, j'en sais rien. J'étais au milieu d'eux, voilà, derrière la vitre. Sentiment étrange, sans doute, de jouer une pièce de théâtre devant un public entièrement déguisé, surtout à Venise. Mais alors, justement, Ariane Ascaride, si vous deviez porter un déguisement ce soir, lequel choisiriez-vous ? Si je me déguisais maintenant en mandrake. Vous connaissez Mandrake ? Oui. C'est plutôt le déguisement de garçon, hein. C'est vrai, je remarque que je dis ça. Oui, en Mandrake, parce que j'adore Mandrake, puis c'est un magicien, et puis il fait des choses absolument étonnantes, et il est en frac. Mm-hmm. Et c'est très beau, les fracs, avec un haut de forme, et tout ça me ferait gagner quelques centimètres, ce serait génial, non ? Ce serait pas mal. Et à l'inverse, quel déguisement tu refuserais de porter ? Quel déguisement je refuserais de porter ? Genre non, ça c'est pas possible, je peux pas le mettre. Catwoman. Ah d'accord. J'y arriverai pas. J'y arriverai pas, c'est en latex, je crois que j'arriverai pas à respirer. En fait, ça m'étoufferait complètement. Et puis, je crois que c'est un aspect de la féminité que je dois pas assumer complètement. D'accord. C'était Ariane Ascaride pour La Panique au Mangin Palace. Oh, you win, it's your show now. So what's it gonna be? 'Cause people will tune in. How many train wrecks do we need to see before we lose touch? Oh, and we thought this was low. Well, it's bad getting worse. So where'd all the good people go? I've been changing channels, I don't see them on the TV shows. Where'd all the good people go? We got heaps and heaps of what we saw. They got this and that with a rattle attack test and one tumor. What you gonna do? Bad news, misuse, got too much to lose. Give me some truth now, whose side are we on? Whatever you say, turn on the boob tube. I'm in the mood to obey, so lead me astray. And by the way now, where'd all the good people go? I've been changing channels, I don't see them on the TV shows. Where'd all the good people go? We got heaps and heaps of what we saw. Sitting around feeling far away, so far away, but I can feel the debris. Can you feel it? Interrupt me from a friendly conversation to tell me how great it's all gonna be. You might notice some hesitation, 'cause it's important to you, it's not important to me. But way down by the edge of your horizon, well, it's beginning to show. And all I really wanna know is where'd all the good people go? I've been changing channels, I don't see them on the TV shows. Where'd all the good people go? We got heaps and heaps of what we sow. Where'd all the good they people got this go? And that with the rattle attack test, then one, two, man, what you gonna do? Some truth, you got too much to lose. Who's all your people go? Anyway, okay, whatever you say. Wrong or resolute, but in the mood to obey. Station to station, desensitizing the nation. Where all the good people go? Good People, c'est ce que chante Jack Johnson sur un album de l'année passée intitulé In Between Dreams, Entre les rêves. Good People parce que bien sûr le carnaval c'est cool, il y a toujours plein de gens sympas. Alors pour poursuivre notre voyage dans cette galaxie joyeuse du carnaval, après avoir détaillé les raisons qui nous poussent parfois à enfiler un déguisement, il est temps maintenant à 11h34 de te livrer quelques informations essentielles sur le déjeuner qu'a organisé Président Chirac à l'Élysée mercredi dernier. La Panique au Mangin Palace a imaginé pour toi que ce fut une fête costumée. Oui, ils étaient plus de 500 parlementaires de l'UMP, députés, sénateurs et élus européens, à avoir répondu présent à l'invitation de Jacques et de Bernadette pour ce déjeuner. Et ce que la France ignore, c'est qu'il fallait venir déguisé. Jacques a dit « c'est le mois de février ». Venez déguiser. Eh bien, la Panique au Mangin Palace a mené l'enquête et va te révéler en exclusivité mondiale quels furent les plus beaux costumes. Ainsi, vers 12h30, tout était prêt. Le buffet installé, les majordomes au taquet et Jacques tout excité dans son déguisement. Par la fenêtre de sa chambre, Président Chirac guettait avec malice l'arrivée de ses convives. Quand tout à coup, il vit apparaître sa première invitée, la secrétaire générale adjointe de l'UMP, Madame Roselyne Bachelot, qui, elle, avait choisi un drôle de déguisement avec, comment dire, beaucoup d'humour sur elle-même. Bécassine, c'est ma cousine. Après l'arrivée de Madame Bachelot, ce fut un flux incessant d'hommes et de femmes politiques costumés, plus drôles les uns que les autres. Certains avaient choisi un déguisement collectif. Ainsi, Jean-Louis Debré, Patrick Balkany et Jean-François Copé ont fait leur petit effet, puisqu'ils sont arrivés ensemble et déguisés... Comme les rois mages en Galilée, suivez des yeux l'étoile du berger, je te suivrai. Où tu iras, j'irai, fidèle comme une ombre, jusqu'à destination. Comme les rois mages en Galilée, vivez confiant l'étoile du berger. Mon Amérique, ma lumière biblique, ma vérité cosmique. Oui, ces trois fidèles ont suivi l'étoile du berger pour adorer J.C., Jacques Chirac, qui lui était très content de les voir se pointer. Ensuite est arrivé l'ancien locataire de Matignon. Jean-Pierre Raffarin, lui, avait beaucoup travaillé son costume et les invités, déjà nombreux, ont immédiatement reconnu son déguisement. Gros succès pour Jean-Pierre. Vers 13h, ce fut au tour de Dominique de Villepin de pénétrer dans les salons de l'Élysée. Le Premier ministre, lui, avait choisi un déguisement très épuré. Il sait que son physique joue pour lui et il n'aurait pas fallu que son costume vienne gâcher sa superbe plastique. Du coup, son déguisement, lui non plus, n'est pas passé inaperçu. Dominique en a fait rougir plusieurs. Vers 13h15, il ne manquait plus grand monde. Une farandole de costumes se déplaçait sous les dorures du palais élyséen. Les uns et les autres se félicitaient de toutes ces trouvailles amusantes. Par ici, Dominique Perben disait bravo à Thierry Breton pour son costume de Picsou. Par là, on s'étonnait qu'Édouard Balladur ait décliné l'invitation. Une perruque Louis XVI aurait fait l'affaire. Enfin, dans un esprit frais et festif, tout le monde se réjouissait de cette idée géniale qu'avait lancée président Chirac de venir déguiser à son déjeuner. Et c'est alors que Bernadette décida enfin d'apparaître pour révéler à ses convives son sublime déguisement. Quand vient le mardi, la grande Zoa met ses bijoux, ses chinchillas. Et puis à minuit, la grande Zoa autour du cou se met un boa. Il y en a qui marmonnent que la grande Zoa, ce serait un homme. Formidable Bernadette. Président Chirac, lui, a attendu jusqu'au dernier moment pour sortir de sa chambre. Il était très fier de son costume et très heureux du succès remporté par son carnaval. Quand il est entré dans ce magnifique salon du palais bariolé de mille couleurs, c'est l'ensemble de ses fidèles qui a immédiatement reconnu le déguisement de président Chirac. Tout le monde s'est exclamé avec beaucoup d'enthousiasme. Le voilà, Albator. Le capitaine corsaire, il revient, Albator, pour les enfants de la terre. Le voilà, Albator, Albator, le capitaine corsaire, il revient, Albator, Albator, pour les enfants de la terre. Le voilà. Une ambiance de feu régnait alors au sein de ce gigantesque carnaval. Après les cocktails, les salades et les mignardises, on a poussé les tables. Et c'est alors que Michel Alliot-Marie, déguisé en Ségolène Royal, s'est vu invité à danser par deux des rois mages, Jean-Louis Debré et Patrick Balkany. Sais-tu danser la carioca? Ce n'est pas un foxtrot ou une polka. Ce n'est vraiment pas très compliqué. Pour la comprendre, suis bien mes pas. Ce n'est pas un tango ou un cha-cha. Encore moins une bossa nova. Quand t'as goûté à cette danse, là tu ne peux plus faire que ça. Youpi, dansons la carioca. C'est bien, faisait tous comme moi. Youpi, tout le monde ici passait un excellent moment. Quand tout à coup, alors que tout le monde l'avait oublié, est enfin arrivé Nicolas Sarkozy qui, lui aussi, avait choisi un déguisement très particulier. Oui, je suis Belzébuth, oh, ouais. Je suis un bouc, je suis en rut. Oh, ouais, oui, oui, oui, je vis dans l'ordure. Oh, ouais. Je pue la sueur et la luxure. Je crache, je rote, rien ne m'arrête. Car aujourd'hui, c'est la fête. C'est la salsa du démon. Très vite, l'ambiance du carnaval de président Chirac s'est refroidie. Il a fallu mettre un terme à cette euphorie. Chacun et chacune avait des agendas de ministre pour l'après-midi. Le mot de la fin revient sans doute à Dominique de Villepin qui, sur le perron de l'Élysée, à la sortie de ce déjeuner copieux, a eu quelques propos pour la presse. On est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop. Quand on sera gros, on est foutu, on mange trop. Papa Mambo, on est foutu, on mange trop. Mais qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros, on est foutu, on mange trop. Papa Mambo, on est foutu, on mange trop. Mais qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros, on est foutu, on mange trop. Papa Mambo, on est foutu, on mange trop. Mais qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros, on est foutu, on mange trop. Papa Mambo, on est foutu, on mange trop. Pour être tout à fait honnête, il faudra tout à l'heure te raconter comment se prépare le grand carnaval de la gauche prévu mercredi prochain à la Mutualité à Paris. Il paraît que Laurent Fabius a déjà choisi son costume, un souvenir d'enfance semble-t-il. Quand j'étais petit, j'étais un Jedi, tellement nerveux que lorsqu'il pleuvait, souvent je m'électrocutais. Et j'ai rencontré une fille en forme de fée, tellement nerveuse que lorsqu'elle griffait mon dos, ma peau se transformait en pyrogravure. When I was a Jedi, when I was a Jedi, when I was a Jedi, when I was a child, I was a Jedi, when I was a child, I was a Jedi. Électrocuter souvent lorsqu'on s'embrassait un peu trop longtemps et encore aujourd'hui et maintenant. Quand j'étais petit, j'étais un Jedi, tellement nerveux que lorsqu'il pleuvait, souvent je m'électrocutais. Et j'ai rencontré une fille en forme de fée, tellement nerveuse que lorsqu'elle griffait mon dos, ma peau se transformait en pyrogravure. When I was a child, I was a Jedi. When I was a child, I was a Jedi. I was a Jedi. When I was a child, I was. When I was a child, I was a Jedi. When Jedi. Song of Jedi chante le groupe Dionysos en 2002 parce que chez les Grecs, dans l'Antiquité, les mois de février et de mars, c'était l'occasion d'énormes fêtes dédiées à Dionysos, les Bacchanales, dont nos carnavals sont les modestes héritiers. Alors pour poursuivre notre exploration des fêtes costumées à l'heure où l'on prépare le carnaval, il est temps maintenant à 11h46 de retrouver nos deux héros masqués, les formidables Monique et Jean-Claude, qui, la semaine dernière, ont vécu une bien étrange aventure. Tout a commencé samedi dernier. Après une dure journée passée à profiter des derniers jours de solde et à ne trouver que du XXXXXXL, Monique et Jean-Claude, à peine rentrés chez eux, ont une énorme surprise en écoutant le message laissé sur leur répondeur. Le patron de Jean-Claude les avait appelés. Venez donc chez moi, je vous invite, il y a de la joie chez moi, montez-y. Mais de quoi s'agit-il exactement? Jean-Claude se souvient alors qu'effectivement, son patron l'a invité à une soirée costumée, mais qu'après en avoir discuté avec son collègue Alain, ils ont décidé de ne pas y aller. Tu vas au bal, qui me dit? Je lui dis qui? Me dit toi? Je lui dis moi, il me dit oui. Je lui dis non, je veux pas, c'est trop loin. Il me dit bon, et toi t'y vas? Je lui dis. Il me dit qui? Je lui dis toi? Il me dit moi. Je lui dis oui. Il me dit non, j'y vais pas, j'ai un rhume et j'ai froid. Monique, elle, est outrée. Comment ça? Refuser une invitation du patron en pleine période de crise économique et de délocalisation? Mais t'es pas un peu fou? Tu veux te faire virer ou quoi? Et puis, il aurait pu lui demander son avis. Monique, les soirées costumées, elle adore ça. Ça lui rappelle ses vacances au Brésil. J'ai dansé un soir de carnaval dans l'enfer de la nuit tropicale. À Rio, au Brésil. À Rio, de Janeiro. Jean-Claude, il s'en fout que Monique ait été un jour la reine du carnaval de Rio. Lui, les bals masqués et les fêtes costumées, ça ne lui dit rien du tout. Vivement Mardi Gras qu'on puisse enfin se déguiser. Comme l'année passée, on va avoir un tas d'idées. Des marquises, des fées, des cow-boys, des plombiers. Des douzaines d'infirmières et 53 sapeurs-pompiers. Du plus mal observé à ceux qui auraient pu mieux faire. On prépare la soirée dans une ambiance du tonnerre. Monique, elle pique sa crise. Ouais, t'es qu'un rabat-joie, t'as une vie de vieux, tu ne veux jamais qu'on sorte. Bref, Jean-Claude ne se sent pas la force de se battre et il cède. Ok, ils iront à la soirée déguisée. Monique est euphorique, elle sait quel costume elle va mettre. Elle sera danseuse de flamenco, elle sera andalouse. J'ai appris comment rouler des castagnettes et mes toilettes sont toutes andalouses. J'ai appris comment on danse le flamenco. Caché à deux sous un immense chapeau. J'aime ton vin et ton caviar. La cuisine espagnole, quel festival. J'aime tes danses et ta musique. Et viva España. Tes belles histoires romantiques. Et viva España! Monique sera donc déguisée en Carmen. Avant même d'y être, Jean-Claude, ça le déprime cette soirée. Et puis, comment va-t-il y aller? Déguisé en Bouddha? Non, trop gros. En Jésus? Non, trop déjà vu. Déguisé en Mahomet? Ah non, trop dangereux. Jean-Claude, il décide de se déguiser en soldat de la paix, avec un vieux treillis et un pauvre tupperware bleu sur la tête. Il ressemble à un soldat de l'ONU. En se regardant dans la glace, dans son treillis, qu'il n'avait pas remis depuis son service militaire, il ne se trouve pas trop mal. T'as le look, coco. Coco, t'as le look. Pas de doute, coco. T'as le look qui te colle à la peau. Ouais, il a le look, Jean-Claude, déguisé en casque bleu. Monique, elle, déguisée en andalouse, est complètement euphorique. Depuis qu'elle est petite, elle adore les bals costumés. Elle vide son armoire pour trouver l'accessoire qui va faire d'elle la reine du bal. Mon truc en plume, plume des oiseaux, des animaux. Mon truc en plume. Tout tout dans le coudrin, Jean-Claude, ça le fait doucement sourire. Lui, ça le gave cette soirée quand il pense qu'il va louper le plus grand cabaret du monde de Patrick Sébastien sur France 2, tout ça pour aller faire le guignol grimé chez des inconnus, ça l'énerve. D'ailleurs, le trajet en voiture est assez tendu parce qu'une mini, ce n'est pas conçu pour transporter un casque bleu en treillis moulant et une andalouse affublée d'un boa. En plus, Jean-Claude fait la gueule, il ne veut vraiment pas y aller à cette soirée. Mais une fois arrivé devant la porte, il est trop tard, Monique appuie sur la sonnette. Et là, grosse surprise, une femme totalement nue leur ouvre la porte. Monique se dit que choisir de se déguiser en Ève en plein hiver, ce n'est pas très malin. Jean-Claude, lui, fait de moins en moins la mauvaise tête. Leur hôtesse les met tout de suite dans l'ambiance. Sans chemise, sans pantalon. En effet, à peine entrée dans le salon, la surprise continue. Au moins 2 dizaines d'hommes et de femmes complètement nus, avec un masque vénitien sur le visage, sont en train de jouer un remake d'Eyes Wide Shut. Monique et Jean-Claude comprennent alors très vite le sens de cette soirée. C'est une partouze. Monique veut partir immédiatement, mais Jean-Claude, lui, il a changé d'avis. C'est ma fête, je fais ce qui me plaît, ce qui me plaît, ce qui me plaît. Ce soir de m'amuser. Monique n'en revient pas. Il n'est pas question qu'elle reste dans une orgie. Les partous, ça n'a jamais été son truc. Et puis, elle ne s'est pas épilée ce matin. Elle veut vraiment s'en aller et regarde le Jean-Claude droit dans les yeux. Je m'en vais à point, c'est tout. Si ça te rend dingue, lâchez les fous. Rejoins toutes tes petites amies. Où sont les clés de l'Arménie? Tu les as planquées, mais où? Après tout, je m'en fous, j'irai à ton autopsie. Une fois encore, Jean-Claude ne se sent pas de taille à lutter. Il cède à Monique, finalement, ils vont rentrer. Et puis, avec un peu de chance, ils pourront voir la fin du plus grand cabaret du monde. Fin de l'histoire. Monique et Jean-Claude auraient dû se rappeler que le carnaval, c'est aussi la transgression, la rupture avec l'habitude. Técaligatom, ticaligatom. Au bal masqué, ohé, ohé, Le bal masqué, un tube de la compagnie créole en 1984, une chanson imparable pour une émission sur le carnaval. Alors nous voici donc arrivés au terme de notre exploration de l'univers festif du carnaval à l'heure où se préparent les chars et les costumes. Des Gilles de Binche au masque de Venise, de Raffarin en polichinelle à Monique en Andalouse, de Rio à Dunkerque, nous t'avons dressé un panorama subjectif de ce que peut être le carnaval. Bien entendu, il n'est pas possible en une seule émission de citer tous les carnavals. Il y en a partout, de l'île à la Guyane. Le carnaval, c'est donc la période qui précède le jeûne chrétien du carême. C'est surtout une fête profane qui, ces dernières années, retrouve de la vigueur face à la très commerciale fête d'Halloween. Le carnaval, c'est donc aujourd'hui encore, pour des millions de terriens, un temps de transgression des interdits et l'occasion unique dans l'année de rompre avec l'ordre social. L'accessoire indispensable du carnaval, c'est bien sûr le masque. Le masque permet de voir sans être vu, il légitime notre nature de voyeur et nous permet de paraître ce que nous ne sommes pas. Mais à bien y réfléchir, notre société du spectacle transforme notre quotidien en un immense carnaval où les masques ne sont plus obligatoires. Le vrai carnaval, ce n'est plus seulement les jours qui précèdent le Mardi Gras. En réalité, c'est notre quotidien. La vie est un carnaval et le monde est un immense bal où nous tournons inlassablement. En portant tous un déguisement, un masque tendre ou moqueur fait mentir notre rêve et notre cœur. Et nous ne nous montrerons jamais à nu, nous restons toujours des inconnus. La vie est un carnaval. Alors, pour terminer cette émission sur le carnaval, la panique au Mangin Palace, dans un souci d'utilité publique, a cherché à savoir quel costume pourraient choisir les hommes et les femmes politiques de gauche qui comptent organiser une grande réunion unitaire le 8 février prochain à la Mutualité. Quand on décide d'aller à un bal costumé, le plus difficile, c'est de choisir son costume. Chez les Verts, Noël Mamère va sans doute étoffer sa moustache et porter une chemise à carreaux pour se déguiser en José Bové. C'est amusant, parce que José Bové, lui, il a taillé sa moustache et maintenant il porte des polos. C'est un peu Noël Mamère. Chez les Cocos, on peut imaginer que Marie-Georges Buffet choisira le joli déguisement de postière qui a l'air de tant plaire aux électeurs d'extrême-gauche. Au PS, le choix des costumes est plus délicat. On peut facilement imaginer que Laurent Fabius, pour se déguiser en homme de gauche, mettra une cravate rouge, ou mieux, ne mettra pas de cravate du tout, de l'audace dans le déguisement. Pendant ce temps-là, François Hollande fouille tous les greniers des sections PS pour enfin trouver le costume du secrétaire général du parti, tandis que Lionel Jospin, lui, est en train de confectionner dans son garage de l'île de Ré un costume de boomerang. Et enfin, pour la si gentille Ségolène qui tente de se construire une aura internationale, son déguisement est tout trouvé. Au pays de Candy, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit. Il y a des méchants et des gentils. Et pour sortir des moments difficiles, avoir des amis, c'est très utile. Un peu d'astuce, d'espièglerie, c'est la vie de Candy. Cela dit, va savoir qui se cache réellement sous le masque de Candy. Voilà, fin du 22e épisode, c'était C'est quoi le carnaval, revu et corrigé par la bande de furieux du Mangin Palace. On se retrouve dès la semaine prochaine à 11h pour une nouvelle aventure total foutraque et archiloufoque. C'était Panique au Mangin Palace, le Radio Mix a été coécrit les doigts dans la prise avec Xavier Mauduit, un ami précieux, merci à lui, au platine, au montage et à la réalisation, les filles bien sûr, Maître Yoda alias H2M, le génial Henri-Marc Mutel. Merci beaucoup Marco, assisté aujourd'hui d'Anne-Laure Cochet et de Julien Dumont, merci à eux pour toute la documentation et les recherches sonores, merci à Amel Caldi et Flora Bernard. Pour les scuds, on a Thierry Dupin qu'on remercie également vivement. Merci à Lina et à Catherine Penton, notre jeune stagiaire dynamique et très efficace. Pour toutes les informations complémentaires, la panique au Mangin Palace possède un site internet sur franceinter.com. Après le flash, vous retrouvez Patricia Martin pour son émission Philophile. Allez, portez-vous bien et surtout, ne lâchez rien. Ciao. Il y a le feu dans le studio, je continue.